way, the way of life that leads to life. So many few want this road, but it is the way that leads to life. There is the broad way that leads to death and hell and the grave. So many love the broad way, they forsake the Lord and walk to their death. Whoa. Now I am taking my cross, following Jesus. I don't mind losing my life to suffer for him. It's a sacrifice, losing and suffering and dying for my Jesus. Yeah, yeah. Ooh. I often ask myself, why there are a few of us on this road? I see the broad road over there. They're following the ways of this world. Oh, the narrow way. There are few of us who have chosen this road. So very few of us have chosen this road that leads to life. Whoa. I am taking my cross, following Jesus. I don't mind losing my life to suffer for him. It's a sacrifice, losing and suffering and dying for my Jesus, yeah. Whoa. I am taking my cross, following Jesus. I don't mind losing my life to suffer for him. It's a sacrifice, losing and suffering and dying, yeah. Now I am taking my cross, following Jesus. I don't mind losing my life to suffer for him. It's a sacrifice, whoa. Losing, suffering and dying for Jesus, yeah. I am taking my cross, following Jesus. I don't mind losing my life to suffer for him. It's a sacrifice, losing and suffering and dying for my Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Right. D'accord. Father, thank you for this opportunity. Père, merci pour cette opportunité. Guide us by your mighty spirit. À ton Esprit Saint. Into all truth today in Jesus' name. Vérité aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Now, I want to share with you about. Sit down, please. Asseyez-vous, s'il vous plaît. The kinds of demons, les genres de démons, that are being launched against you, qui ont été lancés contre vous, from the invisible realm, depuis la réalité invisible. Now, Mark chapter 5, Marc chapitre 5, verse 9, verset 9, it says, la Bible dit, and he asked him, what is thy name? Et il lui demanda, quel est ton nom? What is thy name? Quel est ton nom? You see, devils and demons have identities. Les diables et les démons ont des identités. As to what they are. Par rapport à ce qu'ils sont. We cannot see them. On ne peut pas les voir. But they have an identity. Ils ont des identités. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? And that identity is necessary. Et cette identité est nécessaire. In order to deal with them. Pour pouvoir les affronter. So that you address the right thing. Afin que vous pouvez vous adresser à la chose qui est là. If I shout, go out. Si j'écris, sortez. Go out. Sortez. Armstrong, go out. Armstrong, sortez. You see, I got a response. Vous voyez, il y a une réponse. When I come back. When I do not mention the name or know who I'm talking to, quand je it's a general thing and you don't get a certain response. Quand je n'appelle pas le nom pour savoir à qui je parle, la réponse n'est pas là. C'est comme quelque chose de général. So it is very important. Donc il est important to know what is the name. Now, if you notice, if you study the passage where Jesus asked the devil, "What is your name?" Quand tu étudies le passage, you find out that he had already asked the devil to come out, and he was not coming out. Vous allez voir que Jésus avait demandé au démon de sortir, et le démon ne sortait pas. Yeah. Oui. It was a very difficult casting out. C'était difficile à faire sortir les démons. Yeah, very oui. Difficult one. C'est difficile. He asked him for he had said to him, come out, thou unclean spirit. But he didn't come out. D'abord, il avait dit, sors de lui, toi esprit impur, et l'esprit then n'est pas sorti. He said to him, what is your name? Et puis il dit, quel est ton nom? So when Jesus appeared to Kenneth Hagin in a vision, donc quand Jésus a paru à Kenneth Hagin dans la vision, him, il lui dit that he needs to ask for the name, que il aura besoin de demander of le what nom, he's dealing with, tout ce qu'il fait face, so that he can deal with it properly, avant de pouvoir gérer. And he gave him this example in Mark 5. Il lui a donné cet exemple en Marc chapitre 5. That when he was casting out the devil from the madman, quand il fait sortir le démon de he l'homme fou, to ask the name, il devait demander le nom, in order to be able to deal with it, pour pouvoir gérer cette situation. So a name gives the identity. Donc le nom donne l'identité. If you ask somebody, what is your name? Tu demandes à quelqu'un quel est ton nom. And he says, I am Snake Man. Et la personne t'a dit, je suis un homme serpent. Immediately shows you that he's a snake man. Ça veut dire qu'il est un homme serpent. If he asks, what is your name? He said, my name is Goliath. Si tu lui demandes, tu t'as pas comment dit Goliath. It means he's a kind of a giant. Ça veut dire qu'il est un genre de géant. If you ask what is your name and he says my name is Lion Man. Si tu lui demandes tu t'appelles comment il dit je m'appelle l'homme lion. You have an idea. Tu as une idée of what it is. De ce qu'il s'agit. So you may think that it is not so important to know what is happening in the spirit world. Non, peut-être tu vas penser que ce n'est pas important de savoir that ce is what passe. Medical doctors have emphasized on knowing the invisible and fighting the invisible. And that is why they have achieved so much. Donc dans le monde médical, il met l'accent sur les choses qui se trouvent dans so l'invisible. So you and I, it's time for us to fight the invisible world. il est l'heure pour toi et moi de nous combattre contre le monde invisible. Amen. Amen. So, the first group. Le premier groupe. All right. Okay. Are what I called spiritual flies. Donc le premier groupe, je les appelle les mouches spirituelles. Now, flies or insects. Les mouches ou les insectes. That is a group of spiritual entities. Un groupe d'entités spirituelles. Flies. Ce sont des mouches. Spiritually. Spirituellement. Number two. Numéro deux. Birds. Les oiseaux. Spiritual birds. Les oiseaux spirituels. Hey. Hey. If your eye was to open in the spirit, you would just see a bird. Si tu te, les yeux te sont ouverts en esprit, tu vas voir un oiseau. Revelation 18 and verse 2. Apocalypse 18, 2. And he cried mightily and with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen and has become the habitation of devils and the hold of every foul spirit and a cage of every unclean and hateful bird. Et il crie avec une forte voix, disant, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, les repères de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. Wow. Hey. Hey. So, the birds. Alors, les oiseaux were caged in Babylon. Étaient dans le cage à Babylone. These are the evil spirits. Ce sont des mauvais esprits that have come qui sont venus into Babylon à Babylone because of her sins, à cause de ses péchés, of which we are going to go into later. Et nous allons regarder ça après. So some of the spirits are birds. Quelques esprits so sont when des you are binding the devil quand tu lis le diable and blocking them, tu peux so les bloquer. Even the flies and insects spirits, you may not need to even bind them so much as to block them. Or to spray them, or to take a spiritual immunity against them. Pour les esprits comme les insectes, les mouches, tu n'auras besoin de les lier. Tu auras besoin de les insecticides ou bien des choses pour prendre l'immunité des mauvais esprits comme des the mouches. The next one are spiritual frogs. Suivant, ce sont des crapauds spirituels. Spiritual frogs. Des crapauds spirituels. Kokodene. Revelation 16, verse 13. Apocalypse 16, 13. And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophets, for they are spirits of devils. These frogs are spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, la bouche de faux prophètes, trois esprits immondes comme des grenouilles, car ce sont des esprits des démons faisant des miracles qui s'en vont vers les rois de la terre habités tout entière pour les assembler pour le combat de ce grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. What are, is there any bad thing that frogs do? Est-ce qu'il y a des mauvaises choses que les crapauds font? Hein? They disturb, they make noise. Ils dérangent, ils font des bruits. Some are poisonous. Il y en a qui sont poisonneux. Hein? Their presence brings snakes. Leur présence attire les serpents. So maybe they are an advanced forerunner of higher devils. C'est une équipe d'avance pour les démons plus grands. So when you are praying, you must slash all frogs and spirits and such devils. Donc quand tu pries, tu dois écraser toutes les grenouilles et les esprits comme ça dans ta vie. And one of the things these spirits do is that they gather people to battle or make people quarrel. L'une des choses que ces démons font, c'est qu'il assemble les gens pour se combattre. Gather them to battle. Il assemble les gens pour se combattre. So when there are frog spirits, donc quand il y a des esprits de grenouille, they gather you and your friend. Toi you et and tes you amis. Fight. Toi et tes amis. You and you fight. Toi et toi. You and you fight. Faut se combattre. You were not fighting before. Avant vous ne combattez pas. So when you have frog spirit entering your marriage, donc quand il y a l'esprit de grenouille qui entre dans ton mariage, it gathers the husband and the wife to battle. Ça met le mari et l'épouse pour faire combat. Yes. Oui. Yes. Oui. I didn't write the Bible. There are things in the Bible. C'est pas moi qui écris le the next one are scorpions. Suivant, ce sont spiritual les scorpions. Les esprits scorpions. Luke chapter 10 verse 19. Luc 10 19. Scorpion spirits are launched against you. Les esprits de scorpion, but they are all blocked in Jesus name. Les esprits de scorpion sont lancés contre vous, mais ils sont bloqués au nom de Jésus Christ. Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. La Bible dit, voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et tout ce puissant de l'ennemi, et rien ne vous nuira. What do scorpions do? Qu'est-ce que les scorpions font? They sting you and give you pain. Great pain. Ils te piquent, ils te donnent des douleurs. So some of the painful experiences. Donc les expériences douloureuses. Are scorpion spirits. Ce sont des esprits scorpions. So you see, yesterday night we were looking at the darkness. Hier soir nous regardons les ténèbres. We were looking at the night. En train de regarder la nuit. We were looking at the habitations of darkness. On regardait les demeures de ténèbres. And the question is, what is coming from there? Et la question c'est, qu'est-ce qui vient de ce against you? Contre toi. When I read this frogs, quand j'ai lu, I realized that any quarrel, j'ai constaté que toute querelle, oui. The frogs are saying you and you. Ce sont les grenouilles. Please start. Bling, start. Toi et toi, s'il vous plaît, commencez à se battre. And start quarreling from today. Et puis vous commencez à se quereller depuis ce jour-là. Many marriages have a set of frogs in the house. Beaucoup de mariages ont le groupe de grenouilles dans la maison. Many churches have a set of frogs in the church. Beaucoup d'églises ont le groupe de grenouilles dans l'église. Hey. Sting is pain. Ça, anything that gives you pain. Toute chose qui te donne scorpion. La douleur, c'est un very scorpion. Painful. Très pénible. Yes. Douloureuse. In your life. Dans ta vie. Whatever is painful in your life, I declare you are healed of it today in Jesus' name. Tout ce qui est douloureux dans ta vie, je déclare c'est terminé au nom de Jésus-Christ. The next one. Suivant. Spiritual snakes. Les serpents spirituels. Revelation chapter 12. Apocalypse 12. Verse 8. And they prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast into the earth, and his angels were cast out with him. Et le dragon combattait et ses anges, et il ne fut plus le fort. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon qui fut précipité, le serpent ancien, celui qui appelait le diable, et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. He's an ancient serpent. C'est un serpent ancien. And it's a spiritual serpent. Et c'est un serpent spirituel. Just as the scorpions are comme spiritual. Comme les scorpions aussi sont spirituels. There is a church in America. Il y a une église en Amérique. They believe this verse that says, "You shall tread on scorpions and serpents, and it shall not harm you." So they've gone for venomous snakes. And the main thing they do, you can Google and watch it on the internet. Vous pouvez regarder ça sur l'internet. They use snakes. They have snakes and they hold the snakes. They stay with the snakes and they say that they shall lift up serpents and shall not harm them. Wow. So they'll be singing songs, holding the serpents and so on. Yeah. You know, but that is not what this scripture is Mais talking les, about. L'écriture ne parle pas de ça parce qu'aux États-Unis, il y a une église comme ça qui croit dans ce verset et il joue avec les serpents parce que la Bible dit on peut marcher sur les serpents et il ne peut rien faire à nous. C'est the sur l'internet. The serpent is not an ordinary serpent because ordinary serpents don't speak. Un serpent n'est pas un serpent ordinaire parce que les serpents ne parlent pas. It's not a physical serpent. Ce n'est pas un serpent physique. I've not yet seen. They are the most silent creatures. Ce sont les créatures plus silencieuses. You see that he's there. Tu vas voir, il est là. You know when we were building here. Alors quand on construisait ici là. Down there, there's another place there. Il y a une place en there bas. There was a mountain of sand. Il y avait une montagne de sable. Caterpillar has heaped up. Et so one day I came for inspection. Une fois, je suis venu faire inspection. And I walked up on it. Donc j'ai marché, j'ai monté le sable. Brown sand. C'était marron. So I was at the top of the mountain. J'étais en haut, le sommet. There, and I was just looking at something. Je regardais quelque left, chose. Quand j'ai quitté, then the caterpillar continued le working. Caterpillar commençait à travailler. The one that does this. Oui. Ce qui. So he did this. Il a fait where comme we ça. Were standing, là où on était, he did this. Il a fait juste comme ça. And when he came up, quand il est monté, snakes, many snakes, they were all inside. On a vu des serpents, beaucoup, ils étaient dans le sable. Yeah. Oui. Yeah. Oui. This, they don't speak. Les serpents ne parlent pas. They don't speak. Et ils ne parlent ordinary pas. Snake, they don't say, you are standing on my head. Les serpents ordinaires ne peuvent pas dire, tu te tiens sur ma tête. The next one is dragons. Suivant sont les dragons. Les dragons. And the same verse. And the great dragon. Le même verset dit, great dragon. Et huge, le grand dragon. Huge dragon. C'est immense. En esprit. Huge. Immense. There are dragons on earth today. Il y a des dragons sur I la terre. I recently watched a documentary of dragons. Récemment, j'ai regardé un documentaire sur les dragons. Yeah. Oui. Il existe aujourd'hui. They were eating a buffalo. Et ils mangeaient un buffle. I couldn't believe it. Je ne pouvais pas croire. Oui. A group of dragons. Un groupe de dragons. They are something like lizard, huge, not monitor lizard, huge with tail. They ate a huge ils sont buffalo. Comme des lézards, grands, immenses. Ils mangeaient le buffle. They fought it and they ate it. Ils se sont combattus contre le buffle. Ils ont mangé, bouffé. They ate the whole thing. Ils ont bouffé tout. Now, I'm going to show you something before I continue because we are now going to get into other creatures that you haven't seen before. Je veux vous montrer yes. quelque chose avant de continuer parce que nous allons regarder des autres créatures que vous n'avez jamais vues dans vos vies. Oui. Are you there? Vous êtes là? Spiritual horses, the next one. Les chevaux spirituels. After snakes, we go to horses. Après les serpents, on parle de chevaux. Revelation 6, verse 8. Apocalypse 6, 8. And I looked and behold a pale horse. And his name that sat on him was death, and hell followed him. And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword, to kill with hunger, to kill with death, and to kill with the beasts of the earth. Et je vis, voici un cheval livide, et le nom de celui qui était assis dessus est la mort, et la Hadès suivait avec lui, et lui fut donné pouvoir sur le cadre de la terre pour tuer avec l'épée et la famine, et par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Hey. Hey. Now, let me explain to you something. Why is it important to know? And the next one is a lion. Il y a aussi les lions spirituels. Spiritual lions. Les lions spirituels. Spiritual lions. Les lions spirituels. Wow. 1 Peter 5:8. 1 Pierre 5:8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Now, before I show you the next animals, avant de vous montrer l'animal qui suit, I want to show you that the importance of knowing the animals. Je veux vous montrer l'importance de connaître ces animaux. The animals are important because every spiritual animal is a counterpart of a physical animal. Ces so animaux, you can understand the devil by knowing the animal. Ces animaux sont importants parce que les animaux physiques sont des partenaires aux animaux spirituels. Tu peux connaître le diable à travers l'animal qui le représente. Somebody said, "Wow, what are these animals you are describing? What is the use of knowing all these things?" Et quelqu'un dit quel usage de tous ces animaux tu nous en train d'étudier ce matin? It's exactly the same thing. How you deal with an animal that is dangerous is the same because in the spirit you find that the animal, the spiritual animals are doing the same thing that they are doing here physically. They behave in the same way. That's why I say that the flies and the insects are the ones that are causing the diseases. Because if you take the animals, parce que quand vous prenez les animaux, vous allez savoir que les mêmes manières qu'on gère les animaux physiques, c'est la même manière de gérer les animaux spirituels comme les mouches. C'est eux qui créent les maladies. Donc spirituellement, les mouches aussi créent des maladies. Hey, let's take each of the animals and you see that the animals are behaving in the spirit like how they behave on earth. So you know that it's a counterpart. Donc, vous allez voir que de la même manière les esprits agissent en esprit. C'est la même manière ils agissent physiquement. Donc, ils sont des partenaires. Let's take the horse, spiritual horses. Par exemple, le cheval spirituel. On earth, horses are used for riding. Sur la terre, on prend les chevaux pour voyager, pour aller quelque part. And the spiritual horses are being used for riding. Et aussi les chevaux spirituels, les gens s'assoient sur les chevaux spirituels pour courir avec. And for transportation. Et pour aussi le transport. The spiritual horses that came for Elijah with the chariot were used for transportation. Les chevaux spirituels qui sont venus chercher Élie étaient utilisés pour transporter Élie. They are not physical horses. Ils ne sont pas des chevaux physiques. Spiritual horses. Ce sont des chevaux spirituels. And they are also being ridden. Et eux aussi, les gens montent sur eux comme ça. They are also being used for transport. Et on les utilise pour le transport. When you need transport in the spirit, you get a spiritual horse. Quand tu as besoin de transport en esprit, tu auras besoin d'un cheval spirituel. Every spiritual horse that is coming against your life, we cut off the legs in Jesus' name. Tout cheval spirituel qui vient contre toi, je brise les jambes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Number two. Numéro 2. Serpent. Les serpents. On earth. Sur la terre. A serpent is known for ambush, isn't it? N'est-ce pas? Les serpents sont connus pour l'embuscade, les pièges, and tricks, et aussi les tricheries. You think it's not there, but it's there. Tu penses qu'il n'est pas là, mais il est là. That is why when I told you that the machine lifted up the earth and it was full of about 10 snakes, they were huge snakes in there. Everybody is amazed. Hey! Je vous avais dit, it was there. Quand la machine a soulevé le sable, il y avait plus de 10 serpents dedans. Tout le monde a crié, hey! C'était là. It is there. C'était là. It is there. Le serpent est là. And In the spirit, et en esprit, when you are being taken on by a serpent, un serpent fait it's face. All about tricks and traps and deception. Tu vois les pièges, same la tromperie, thing. Les tricheries, même chose. So when Satan is trying to deceive you, quand Satan essaie de te tromper, trap you, te piéger, it's a serpent. C'est un serpent coming for you. Qui est en train de venir contre toi. Hey! Then spiritual lions. Et puis les lions spirituels. Are just like physical lions. Ils sont comme les lions physiques. Earthly lions roar. Les lions terrestres, ils roarent. They roar. Roar. Ils rugissent. And you'll be afraid. Roar. The spiritual one. Et les lions spirituels. Is also behaving in the same way. Se comportent dans la même manière. Your adversary. Parce que ton adversaire. As a roaring lion. Comme un lion rugissant. Walketh about. Il rôde. Roar. Roar. Roar. Fear spirits are lion spirits. Les esprits de peur sont des esprits de lion. Look, when a lion comes into town, everybody is calm and staying in his area. Quand un lion entre en ville, tout le monde est calme, tu restes chez toi. Years ago, when I started with the church, il y a des années quand j'ai commencé l'église, a lion came to roar in the church, and all the lay pastors said, "We will never be full time." Un lion est venu rugir dans l'église, et tous les pasteurs laïcs ont dit, "On ne vient pas en plein ministère, plein temps." The lion said, "Wow!" All the lay pastors ran away. And they all went to hide. Le lion a rugi. Tous les pasteurs laïcs se sont fuis. Ils ont fui. True. C'est vrai. It roared. Totally, when you hear the lion, wow! If we were out here and we heard, si on était dehors. Et tu as entendu, wow, tout le monde va courir, non? So when you see a lot of people running and hiding, it means a lion spirit came there. Quand tu vois les gens courir et se cacher, ça veut dire qu'un lion était là. Oui. Pastors have been affected by lion spirit. Les pasteurs laïcs ont été affectés par l'esprit lion. Nobody should come out because it's dangerous. Personne ne sort parce qu'il est dangereux. Wow. Wow. Hey. We will die if we serve God. On va mourir quand on perish if we serve God. Nous if we are périr. Put out, we will be poor. Nous if serons this pauvres. Will this will this, this will happen to us if we. Nous serons concernés. Hey. Hey. One day. Un jour. I called one of my pastors. J'ai appelé un de mes pasteurs. I told him that. Je lui dis, I am changing his name to Scaredy Cat. Je veux changer ton nom à un chat peureux. Scaredy Cat. Un chat peureux. And I changed his name on my phone. Et j'ai changé son nom sur mon portable. When my phone rings, I see so so and so Scaredy Cat. Quand mon portable sonne et celui qui appelle, je vois le nom apparaître, un chat peureux. Recently, I saw him. I said, and I opened my phone. I said, look at your name. Récemment, je l'ai vu. Je lui regarde ton numéro sur mon he's portable. He's afraid of everything. Il a peur de toute chose. Go here, he's afraid. Go here, he's afraid. Va ici, il a peur. Va là, il a peur. Most of the lay pastors have been affected by lions. Wow. Beaucoup de pasteurs laïcs ont peur de l'esprit de lion. Le lion dit, wow. Il dit, hey, s'il te plaît. And the lay pastors, et les pasteurs laïcs, the lay pastors, les pasteurs laïcs, have not prospered so much, if at all. Ils n'ont pas prospéré. How do I know? Because I raise funds. Parce que c'est moi qui élève les fonds à l'église. I'll be standing and say, can you give this? Can you? The people who give even large amounts usually they are new in the church. Ceux qui donnent beaucoup sont les gens qui sont nouveaux dans l'église. They are new. Ce sont les nouvelles personnes à l'église. Not the old people who have grown up. C'est pas les anciens qui ont grandi avec nous. And we are still alive. Nous sommes toujours vivants. Those who came to serve God full time and those who we are all eating bread, we are all drinking water. We are wearing clothes, we are driving cars. Ceux qui sont venus à plein temps, ceux qui ne sont pas en mange. But the lion said, "Wow!" And they all ran away. Quand le lion a dit "Wow!", ils ont fui. It's just like the earthly, the natural one. C'est comme lion naturel. Then, birds. Et birds. Les oiseaux. Spiritual birds are just like physical birds. Les oiseaux spirituels sont comme les oiseaux physiques. Because in Revelation, parce qu'en Apocalypse, the spiritual birds are kept in a cage. Les oiseaux spirituels sont gardés dans un cage. Oui. They are kept in a cage. On les garde dans un cage. Just like natural birds. Comme les oiseaux naturels. Yeah. Oui. So in the spirit, donc en esprit, all these animals, tous ces animaux, that is why you hear even people use certain terminologies. C'est pourquoi les personnes like utilisent marine spirits, certaines terminologies comme like les esprits de la mer. There are reasons for that. Il y a des raisons pour ces choses. Scorpions, les scorpions, spiritual scorpions, les scorpions spirituels, are also creatures that when you encounter them, you get a lot of pain. That's why I said that you shall tread on scorpions. Ce sont des meaning that they are small, then you may step on it, and it's like there's some new pain surprise. Ce sont des créatures. Quand tu les rencontres, ils introduisent les douleurs dans ta vie. It's a scorpion attack. C'est une attaque, scorpion. You are free from every scorpion attack. Tu es libéré de toute attaque scorpion au nom de Jésus. Now the next creatures, I don't know anything about them because I have not seen some before. Les écritures suivantes, je ne sais pas. Il s'agit de qui s'agit. The next one is sea monster, marine creature, marine spirits. Suivant, ce sont marine, des esprits marins ou des esprits ocean de la mer. Demons. Les démons d'océan. La mer, les démons de la mer. Psalm 74 verse 14 says, thou breakest the heads, not one head, oh, the heads of Leviathan in pieces. Leviathan is a well-known sea monster with many heads. Le Leviathan, c'est un esprit, un monstre de la mer avec plusieurs têtes. Marine monstre. Spirits. Les esprits de la mer. Yes. Oui. One day, one of my church members went to sleep with a girl. Un jour, un des membres de mon église est allé coucher avec une fille. In the night, when he woke up, dans la nuit, quand il s'est levé, he wanted to hold her, and so as he held, from here was human, then from here, it was wet. Il voulait toucher. When he checked, it was a fish. Et au milieu de la nuit, il voulait toucher la fille. Quand il l'avait touchée en haut, c'était un être humain. En bas, c'était mouillé. C'était un poisson. Is it correct? Fish. Revelation chapter 13, verse 1. Apocalypse 13, verse 1. And I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and 10 horns, and upon his head horns were 10 crowns, and upon his heads the names of blasphemy. Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur les têtes des noms de blasphème. You'll be surprised. Tu seras étonné that there is a spirit qu'il y a un esprit in the sea dans la mer that can rise up qui peut se lever and cause tidal waves. Et ça peut causer que les vagues vont kill bouger. People in ships. Ça va même faire noyer les gens dans les bateaux. You see, even the hurricane, they give them names. Vous voyez, les tourbillons ont des noms. Hurricane Matthew. Katrina, like they have given them, it's like it behaves like a person. Voyez, parce que les ouragans, ils se comportent comme des êtres humains. And it kills. Ça tue. Then earth monsters. Il y a des monstres. Revelation 13 verse 11. And I beheld another beast coming out of the earth. The first one was from the sea. This one was from the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Il y a aussi les bêtes de la terre. La Bible dit Apocalypse 13, 11. Et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait deux cornes semblables à un agneau, et elle parlait comme un dragon. Are you still around? Yes. Est-ce que vous êtes toujours là? All these are beast creatures. Toutes ces sont des créatures. So when you are standing, you see, when you want to enter Guinea, quand tu veux entrer en Guinée, there are creatures. Il y a des créatures. At the harbor, à la au port, in the nation, dans la nation même, at the border, aux frontières, over the nation. Say the nation can never rise. Donc la nation ne peut pas s'élever. Yeah. Oui. And they are wicked. Ils sont méchants. Even the spirit of infirmity which made the woman bend over for 18 years. Même, you know, the Lord was showing me that even secondary school, when people are wicked, même, they can give you a punishment like this. It's called Tower of Liberty. Même au lycée, les gens peuvent te punir, tu vas te tenir comme le statue de liberté comme ça pour des heures. À plus forte raison des esprits impurs. You stand, tu vas te tenir comme ça. But, mais maybe for 1 hour, pour 1 heure seulement. Maybe 2 hours, peut-être 2 heures. But that evil spirit, mais cet esprit impur it made the woman bend over, a fait la femme se courber. And she was walking. Elle marchait comme ça. For 18 years. Pour 18 ans. Not for 2 hours. Pas pour 2 heures. Not for 2 days. Pas pour 2 jours. 18 years. 18 ans. Bend down like this. Elle s'est courbée no. comme ça. Bible says she was altogether bowed over. La Bible dit qu'elle s'est courbée tout entière. And she could in no wise lift up herself. Elle ne pouvait pas se lever. 18 years. 18 ans. Yeah. Hey. Hey. That is why you see, if you take nations, thank you, my dear. If you take nations like Africa, c'est pourquoi quand tu regardes les nations africaines, you look at a nation like Nigeria. Tu vois une nation comme le Nigeria. You cannot understand. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe là-bas. Oui. You cannot understand the country. Tu ne peux pas comprendre le pays. But there's something to make the nation bend over and be down. Il y a quelque instead chose of up, no matter what, bend down like this. Il y a quelque chose qui veut faire courber la nation, ne jamais monter, se lever, jamais. Never rise up. Ne jamais se lever. Yeah. Oui. Creatures. Les créatures. Daniel chapter 7. Daniel chapitre 17, verse 2. Verset 2. And Daniel spake and said, I saw in my vision, I'm talking about these monsters and sea marine creatures and monsters and earthly and even the ones in the heavens. Je parle de ces monstres, ces bêtes de la terre, de la mer, tous ces monstres. Je parle d'eux. And Daniel spake and I saw and said, I saw in my vision by night, behold, the four winds of the heavens strove upon the great sea. Daniel prit la parole et dit, je voyais dans ma vision de nuit et voici les quatre vents des cieux qui se déchaînèrent sur la grande mer. Have you seen the sea before? Vous voyez la mer? Vous avez vu la mer une fois? One day I had a motorcycle that goes on the sea. Une fois j'avais une moto qui pouvait se rouler sur la mer. Not for me, they were renting it, so I rented it. C'était pas pour moi, on louait ça, j'ai loué un. But I didn't know, I didn't have it. You see, the sea, when you see it, quand tu vois la mer, it doesn't look like it is when you are standing on ça ne semble pas comme tu le vois quand tu es loin. So I took the motorcycle, j'ai pris la moto, went straight to je suis rentré sea. Tout droit dans la mer. Far. C'était loin. When I got far, quand j'étais allé loin, I became afraid. Dans la mer, j'ai eu peur. Because although it looks flat, parce que la mer semble, it's not flat. Plat, mais ce n'est pas plat. I was afraid the thing was going to turn over. J'avais peur que ça allait me renverser. The waves, parce que like this, les vagues pas as comme ça. As the The one that is quiet is like it goes as high as the ceiling here. Écoutez, so you même there you see the sea up like this. La vague, and it's black. It's like it goes up like la, this. Oui, la vague plus calme peut monter jusqu'au plafond. Yes. Oui. Et ça monte comme ça et tout est noir. I turn around slow. Je fais un demi-tour calmement et je suis sorti. Right. If you come and dash me, I'll never go. Si tu me donnes ça gratuitement, je n'aime plus. Non. Hey. And Daniel said, I saw the four winds blowing over the Daniel ocean. Dit, j'ai vu les quatre vents en train de souffler it sur la mer. Black, it was dark. Tout était noir. The vision. Dans la vision. Black. Noir. Air France. AF444. AF444. From Paris. De Paris. Rio. À Rio. It was flying over the middle of the ocean. L'avion était au milieu de l'océan. And the dragon opened the mouth. Et le dragon a ouvert la bouche. And swallowed it. Avalé. A modern jet. C'est un jet moderne. Modern jet. Un in jet autopilot. Et avec le autopilot. Au milieu ocean. De la mer. That part is deeper than the highest mountain. It's deeper. Et cette partie de la mer est plus profonde que la montagne plus haute. It's black. Il est rentré en bas. It's noir. Black. Noir. Black. Noir. Swallow the plane. Sombre. Noir. The Malaysian head up to today, they cannot see the earth. The dragon, the monster swallowed the plane. Yeah. Today, you see, today's world where they say they have satellite everywhere. Même America aujourd'hui, is mapping, ils disent qu'ils ont des satellites sont en train de surveiller le monde entier. Ce n'est pas vrai. Not even a piece. Même pas, on ne voit même pas une petite partie de l'avion Air Malaysia depuis l'accident. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui. So as he was watching the sea in the moon, alors qu'il regardait la mer, he says, il dit, and I saw four great beasts come out of the sea. Et j'ai vu quatre grandes bêtes monter de la mer. Hey! Hey! Each one was diverse from the other. Différente l'une de l'autre. The first one was like a lion. La première était comme un lion. And it had eagle's wings. Et elle avait des ailes d'aigle. A lion with eagle's wings. Un lion avec les ailes d'aigle. And I beheld till the wings were plucked, and it was lifted from the earth and made to stand upon the feet as a man, as if it was a man. And a man's heart was given to it. Je vis juste à ce que ses ailes furent arrachées et qu'elle fut soulevée de terre et mise debout sur les pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. There are some men who are walking around. They are actually lions with eagle's wings that have been turned into men. Il y a, and given a man's heart. Il y a des hommes qui marchent parmi nous aujourd'hui, ne sont pas les hommes, ce sont des lions qui marchent comme les hommes avec le cœur humain. One day, un jour, a certain lady, une certaine she femme, was giving a testimony. Elle témoignait. She said she has slept with many boys. Elle a dit elle a couché avec plusieurs garçons. She described, she said, one of the guys. Un des gars. After sleeping with that guy. Après avoir couché avec ce gars-là. That is when she changed. C'est à ce jour-là, elle est changée. It was not the first person. Ce n'était pas la première personne. It was not the second. It was a particular guy. Il y avait un gars en particulier. Maybe she met a lion who devoured her. Peut-être elle avait rencontré un lion. He had a heart, a man's heart. Il avait le cœur d'un homme. He was made to stand up as a man. Il était debout comme un homme. Whatever man in your life is an animal in the spirit, we declare his power is finished in your life today. Tout homme dans ta vie qui est en réalité un animal, aujourd'hui nous déclarons sa puissance est finie au nom de Jésus. And I beheld another beast. Et voici a second one. Une autre bête, une seconde. Like a bear. Semblable à like a bear. Un ours. The first one was like a lion. Le premier était comme un lion. This one is like a bear. Celui-ci c'est comme une ours. And it raised up itself on one side, and it had three ribs in its mouth. And they said unto it, arise and devour much flesh. Et elle avait trois côtés courtes dans sa gueule, entre ses dents, et on lui dit ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. When Ebola rose up, quand Ebola s'est élevé, to devour much flesh. Pour dévorer beaucoup de chair. And you see the places that it wakes up. Et vous voyez là où l'Ebola s'est levé. Rise up. Se lève. To eat many people. Pour manger beaucoup de personnes. Yeah. A bear. Un ours. Even to eat much flesh. De manger beaucoup de chair. After this. Après cela. I beheld and another like a leopard. Je vis voici un autre comme un léopard. And it had four wings of a fowl. Elle avait quatre ailes d'oiseau sur son dos. And the beast also had four heads. Et la bête avait quatre têtes. A leopard is. You must know about a leopard. That's why Mobutu used a leopard. Vous devez connaître le léopard parce que Mobutu avait utilisé le léopard. A leopard is a is like a monkey. Un léopard est comme un singe. Is the only cat that can climb. Le seul chat qui peut monter. So you'll be walking in the forest. You say there is no animal. All here is clear. Tu seras dans une forêt. Tu vas penser qu'il n'y a pas d'animal. But it is in a tree. Mais il se trouve. And as you walk, they're going to jump on you. Et puis il saute sur toi. A surprise. Whatever surprise Satan has planned for you this year and next year. I cancel that surprise in Jesus' name. Toute surprise de l'ennemi contre ta vie cette année, l'année prochaine, je déclare écrasé au nom de Jésus-Christ. Whatever leopard spirit is waiting for you in the forest, in the name of Jesus, I cast that leopard spirit. Amen. Tout esprit de léopard dans la forêt qui te cherche pour te chercher, je déclare que sa présence est terminée au nom de Jésus-Christ. After this, I saw in the night visions a fourth beast, dreadful and terrible, strong. It had iron teeth. Iron teeth. And it was diverse from all the beasts that were before it. And it had 10 horns. So, brothers and sisters, frères et sœurs, there are monsters. Il y a des monstres. And today, et aujourd'hui, whatever monster. Look, and you see, that is, listen. Écoutez. You see, when Jesus did not solve all, but this, it's not yet time to deal with these things. C'est pas l'heure de gérer avec ces choses-là. That is why we are not politicians. C'est pourquoi nous ne sommes pas des politiciens. Because we are not even spiritual politicians. Parce que nous ne sommes pas des politiciens spirituels. There are things. You can't change. Il y a certaines choses que tu ne peux pas changer. Look, Africa has not changed. No matter democracy, there's no change in Africa. N'a pas changé, peu importe la démocratie, quoi que quoi, rien n'est changé. True or not true? C'est vrai ou c'est pas vrai? Because it's not about democracy. C'est parce que il ne s'agit pas de la démocratie. Democracy is actually a weak system for Africa. La démocratie, c'est un système faible pour l'Afrique. Yeah. Oui. So, alors, brothers and sisters, frères et sœurs, I want you to know, je veux que vous sachiez, that you are dealing with certain things. Que vous êtes en train de faire face contre certaines choses. It's not all these spirits et avec tous ces esprits, you are called to deal with. Vous n'êtes pas appelé à gérer tous ces esprits-là. One day, Rick Joyner went to, I think, Amsterdam. Un jour, Rick Joyner est allé en Amsterdam. And the Lord told him, et le Seigneur lui dit, do not rebuke the prince of Amsterdam. Ne menace pas le prince d'Amsterdam. Yeah, don't, he told him not to. Il lui a dit de ne and pas he said faire. He didn't listen to the Lord. Et il n'a pas écouté and le he, Seigneur. He rebuked it. Donc il a menacé le prince. He said there was either a storm, an earthquake, or something. Some people died after that prayer. Un tremblement de terre ou bien un tourbillon. Like, that is not what I call you to come and do here. Pourquoi était mort après cela? Dieu dit, il n'a pas appelé pour faire ça en Amsterdam. Yeah. Oui. Look, when the demons saw Jesus, they said, quand les démons see, they have been in existence for thousands before even human beings were created. Ces démons existaient il y a des mille ans avant même que les êtres humains ne viennent sur la terre. So we are new. Nous sommes nouveaux. We are new. Oui. And they are very wicked spirits. Et ils sont très méchants. The whole world lieth in wickedness. La Bible dit le monde entier est sur l'empire de le mal. So it is important I'm giving you descriptions so that when you are in prayer, donc je suis en train de décrire ces choses afin que quand vous priez, you can even picture some of the creatures. Vous pouvez même imaginer certaines créatures. In the air, they are in the air. Ils sont dans l'air. They are in the house. Ils sont dans les maisons. They are around. Ils sont autour de nous. Eish. One day I was lying on my bed at my father's house. Une fois j'étais couché sur le lit. I was sick, I was dying. J'étais malade, c'est comme si j'allais mourir. And suddenly my eyes opened. Soudainement on mes yeux. On the left side. Côté gauche. There's a table. Il y avait une table. I turned and there was a monkey sitting Je there. Me suis tourné, il y avait un singe assis sur la table. Spiritual monkey. Un singe spirituel. No, these are things I saw. Ce sont les choses. Never, it happened when I was in secondary school. Écoutez, j'ai vu ça quand j'étais au lycée. You will not forget easily. Je ne peux pas oublier facilement. Immediately, I knew there was something wrong because I decided that I would never take medicine. I would die if I'm not healed. I would die that on that day. J'avais décidé to die. And you see me when I've decided something, you see that I'm doing. J'avais décidé de ne pas prendre de médicaments et que même si je ne dois pas prendre médicaments, j'allais mourir. J'étais prêt pour mourir. I was actually dying. Et j'étais sur le point de mourir. I was actually dying. J'étais sur le point de mourir. As a doctor, I'm telling you, I was going like this. Et en tant que médecin, and je I vous was dis getting to the last 30-40% of my life. J'étais en train de descendre. I would have been soon in need of intensive care oxygen. J'étais en train de descendre, ça me restait 30% de ma vie. J'allais besoin même des soins intensifs. And I said, no matter what. Je me suis dit peu importe. If God doesn't heal me, si then, Dieu ne me guérit pas. That is it. C'est so ça. As I was lying there, alors que je me couchais comme ça, I just look. Je regardais. And I saw this animal sitting there. Cet animal assis, hey! J'ai dit hey! And immediately I knew there was something wrong because for this thing to be nearby, la chose something était is trop happening that is not. L'animal right. Était trop près de moi. J'ai dit quelque chose ne va pas. Yeah. Then that was what made me re-evaluate my decision. C'est ça qui m'a poussé. C'est ça qui m'a poussé de re-évaluer ma décision. Can I be here? Oui. Sinon je ne serais pas ici. Oh yeah. Ah oui. Whatever spirit is leading you in an evil direction, in Jesus' name, it's cut off from your life today. Au nom de tout esprit qui te dirige dans une mauvaise direction, c'est coupé de ta vie au nom de Jésus. I feel sorry for people who are not led by the Holy Spirit. Je suis très désolé. Je me sens désolé pour les gens qui ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Look, écoutez. For Jesus Christ, pour Jésus-Christ, to agree d'être d'accord the demons in the madman, avec les démons dans l'homme fou, that okay, que okay, go here, il faut aller ici, into somebody's farm, dans le champ de quelqu'un, as a compromise. Pour compromettre, for them to go out, pour qu'ils sortent, it shows you that ça te dit que the powers that are here, les puissances qui sont ici, it's not everything that we know. Ce n'est pas tout ce qu'on connaît. Yeah, it was a compromise. C'était okay. Un compromis. Go here. Il faut aller ici. God, they said, we don't want to leave this country. Parce qu'ils ont dit, on ne veut pas quitter. This is where we are inhabiting. Nous habitons ici. So you must know that There are strong, and that's how animals are. Et les animaux sont comme strongly territorial. Les animaux sont territoriaux fortement. Look, there was a snake here. Il y avait un serpent ici. It's called Onanka. Et son nom c'est Onanka. All the people here know the snake. They've seen it. It's brown with horns. Tous les gens ici connaissaient le serpent parce que c'était de couleur marron brown avec des cornes. They know it. On les connaît. Because snakes have an area. Parce que les serpents ont they des don't quartiers. Go beyond. This is for me. Almost every animal, tout animal behaves just like the demons. Se comporte comme les démons. This country, you see lions going around, the wee wee. Ouais, les lions, ils parcourent et puis ils urinent. And they mark. Et ils sont en train de démarquer. All animals behave. Dogs. Les animaux aussi sont comme ça. Les chiens. This is my territory. Ici c'est mon territoire. This is where I dominate. Je domine ici. Anyone here will be under my dominion. Quiconque vient ici sera sous ma domination. Some of the devils are called dominions. C'est pourquoi certains démons sont appelés les dominations. Dominions. Les dominations. So even though God has sent us, then bien que Dieu nous a envoyé, we can only do what He wants us to do. On peut seulement faire ce qu'il veut que nous fassions. A lot of things, beaucoup de choses. You may say, oh, but the church has been here; nothing has also changed. Tu peux dire l'église a été là, rien n'a changé. That is why you see, God has sent us. C'est pourquoi Dieu to nous a preach His word, de prêcher sa for parole, for people to be saved one by one, but not that the nations are going to be saved. Changed. Nigeria has had so many pastors. Nigeria is not changing into a what do you call it's worse. Le Nigeria n'a pas changé bien qu'il y a des pasteurs. With the greatest churches and the greatest pastors. Avec des plus grandes and églises. America too, the greatest churches. Les États-Unis. It's not plus grandes églises, des plus grands pasteurs, mais rien n'est changé en tant que nation. Yeah. Oui. So you see, you understand why Jesus told Kenneth Hagin, you deal with the principalities, the powers, and the rulers of the darkness. The wicked spirit in high places, leave them to me. C'est pourquoi Jésus a dit à Kenneth Hagin, il faut gérer avec les esprits, les puissances et les dominations. Mais moi, laisse les esprits méchants dans le lieu céleste avec moi, Jésus. Je vais les gérer moi-même. So when Daniel prayed for 21 days, the angels were coming and they were stopped halfway. Quand Daniel, 21 days they were fighting and Michael had to be called from heaven to come and fight. Quand Daniel a prié pour 21 jours, l'ange qui venait était arrêté par les principautés et on a envoyé Michel de venir l'aider sinon l'ange n'allait pas venir. Are you understanding what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? You see, we can only piece together the picture from little glimpses you are getting all over the Bible. On peut seulement mettre les différentes pièces ensemble pour comprendre ce que la Bible est en train de dire. Now, what is the master key to escaping and walking through a field full of snakes? Quelle est la clé maîtresse de marcher au milieu d'un champ de serpents? And scorpions. Des scorpions. What is the master key? Quelle do you want to know clé the maîtresse? Master key? Vous voulez savoir through a field where there are snakes, de traverser un champ de serpents, des insects, scorpions, des insectes, flies, des mouches, monsters, des animals, des animaux. You are receiving that key today in Jesus' name. Tu reçois la clé là aujourd'hui au nom de Jésus-Christ.